comme pour t'attenter en bas t'es solo. La paix c'est risqué, elle attire la mort. Je vais aller dans l'ado avec l'équipe. Pas besoin de pousser, j'ai votre amour qui me guide. C'est comme ça.